misère les tourmente. Vers une seconde chance, un nouveau continent, un pays d'abondance où l'homme est libre dans ses champs. Une nuit brumeuse, le bateau heurta un rocher qui transforma nos voyageurs en naufragés. Au lendemain du naufrage, l'équipage put constater l'étendue des dommages. Le bateau a coulé, échoué sur le rivage d'une île isolée, une belle contrée sauvage, riche et bien boisée. La cale était pleine de nourriture et d'eau. Allons, dit le capitaine, fait-on le temps est beau. Demain le vent nous emmène vers un monde nouveau. Ils ont dansé autour du feu, chanté toute la nuit, heureux d'être ensemble, de commencer une nouvelle vie. Du départ,